effacer. Imaginez que rien ne pouvait nous tenter. Mais quelques mots de trop m'ont suffi à te dégager de moi. Je n'aurais jamais pensé que tout pouvait basculer. Je reste là, je suis à toi. Je suis plus rien, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Je garde espoir que tu reviennes à notre histoire. À l'oublier, car tu m'aimes, tu m'aimes, tu n'aimes que moi. J'essaie de confondre ce qu'il a de plus que moi. De baratiner, je vois qu'il a su faire ça. Je te connais par cœur. Ouvre les yeux. Il sent-il parfait. Ne vois-tu pas que dans ses yeux tout semble faux? À fleur de toi, je reste là. Je suis à toi. Je suis plus rien, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Je garde espoir que tu reviennes à notre histoire. À l'oublier, car tu m'aimes, tu m'aimes, tu n'aimes que moi. Je souffre en silence quand tu dors dans ses bras. Mon cœur a ses raisons. Je ne veux pas y croire. Si j'ai le mal de toi, je t'aime, que tu l'aimes, et je resterai à fleur de toi. Je reste là, je suis à toi. Je suis plus rien, mais je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement. Je garde espoir que tu reviennes à notre histoire. À l'oublier, car tu m'aimes, tu m'aimes, tu n'aimes que moi. Tu reviens.